Chapitre 35 des Essais de montagne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 35 de l'usage de se vêtir. Où que je veuille donner, il me faut forcer quelques barrières de la coutume, tant elle a soigneusement bridé toutes nos avenues. Je devisais, en cette saison frileuse, si la façon d'aller tout nu, de ces nations dernièrement trouvées, est une façon forcée par la chaude température de l'air, comme nous disons des Indiens et des Maures, ou si c'est l'originel des hommes. Les gens d'entendement, d'autant que tout ce qui est sous le ciel, comme dit la Sainte Parole, est sujet à même loi, ont accoutumé en pareille considération à celle-ci, où il faut distinguer les lois naturelles des controuvées, de recourir à la générale police du monde, où il n'y peut avoir rien de contrefait. Or, tout étant exactement fourni ailleurs de filets et d'aiguilles pour maintenir son être, il est mécréable que nous soyons seuls produits en état défectueux et indigent, et en état qui ne se puisse maintenir sans secours étranger. Ainsi, je tiens que, comme les plantes, arbres, animaux et tout ce qui vit se trouvent naturellement équipés de suffisantes couvertures pour se défendre de l'injure du temps, propteriaque fereres omnes aut corios sunt, aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice, tectei. Aussi étions-nous. Mais comme ceux qui éteignent, par artificielle lumière, celle du jour, nous avons éteint nos propres moyens par les moyens empruntés. Et est aisé à voir que c'est la coutume qui nous fait impossible ce qui ne l'est pas. Car de ces nations qui n'ont aucune connaissance de vêtements, il s'en trouve d'assises environ sous même ciel que le nôtre, et sous bien plus rude ciel que le nôtre. Et puis, la plus délicate partie de nous est celle qui se tient toujours découverte, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. À nos contadins, comme à nos aïeux, la partie pectorale est le ventre. Si nous fussions nés avec conditions de cotillons et de grégesques, il ne faut faire doute que nature n'eût armé d'une peau plus épaisse ce qu'elle eût abandonné à la batterie des saisons, comme elle a fait le bout des doigts et plante des pieds. Pourquoi semble-t-il difficile à croire? En ma façon d'être vêtu, et celle d'un paysan de mon pays, je trouve bien plus de distance qu'il n'y a de sa façon à celle d'un homme qui n'est vêtu que de sa peau. Combien d'hommes, et en Turquie surtout, vont nus par dévotion? Je ne sais qui demandait à un de nos gueux, qu'il voyait en chemise en plein hiver, aussi scarbilla que tel qui se tient emmitonné dans les martes jusqu'aux oreilles, comme il pouvait avoir patience. « Et vous, monsieur, répondit-il, vous avez bien la face découverte. Or, moi, je suis tout face. » Les Italiens comptent du fol du duc de Florence, ce me semble, que son maître s'enquérant comment ainsi mal vêtu il pouvait porter le froid, à quoi il était bien empêché lui-même. « Suivez, dit-il, ma recette de charger sur vous tous vos accoutrements, comme je fais les miens, vous n'en souffrirez non plus que moi. » Le roi Massinissa, jusqu'à l'extrême vieillesse, ne peut être induit à aller la tête couverte par froid, orage et pluie qu'il fit, ce qu'on dit aussi de l'empereur Sévérus. Aux batailles données entre les Égyptiens et les Perses, Hérodote dit avoir été remarqué, et par d'autres, et par lui, que de ceux qui y demeuraient morts, le test était sans comparaison plus dur aux Égyptiens qu'aux Persiens. À raison que ceux ici portent leur tête toujours couverte de béguins et puis de turbans, ceux-là rasés dès l'enfance et découverte. Et le roi Agésilaus observa jusqu'à sa décrépitude de porter pareille vêture en hiver qu'en été. César, dit Suétone, marchait toujours devant sa troupe, et le plus souvent à pied, la tête découverte, soit qu'il fît soleil ou qu'il plût. Et autant en dit-on de Hannibal, « Tum vertice nudo excipere insanos imbres, quellique ruinam. » Un Vénitien qui s'y est tenu longtemps et qui ne fait que d'en venir, écrit qu'au royaume du Pégou, les autres parties du corps vêtues, les hommes et les femmes vont toujours les pieds nus, même à cheval. Et Platon conseille merveilleusement, pour la santé de tout le corps, de ne donner aux pieds et à la tête autre couverture que celle que nature y a mise. Celui que les Polonais ont choisi pour leur roi après le nôtre, qui est à la vérité l'un des plus grands princes de notre siècle, ne porte jamais gants ni ne change, pour hiver et tant qu'il fasse, le même bonnet qu'il porte au couvert. Comme je ne puis souffrir d'aller déboutonner et détacher, les laboureurs de mon voisinage se sentiraient entravés de l'être. Varro tient que quand on ordonna que nous tinssions la tête découverte, en présence des dieux ou du magistrat, on le fit plus pour notre santé et nous fermir contre les injures du temps que pour compte de la révérence. Et puisque nous sommes sur le froid et français accoutumés à nous bigarrer, non pas moi, car je ne m'habille guère que de noir ou de blanc, à l'imitation de mon père. Ajoutons d'une autre pièce que le capitaine Martin du Bellay récite, au voyage de Luxembourg, avoir vu les gelées si âpres que le vin de la munition se coupait à coups de hache et de cognée, se débitait aux soldats par poids, et qu'il l'emportait dans des paniers. Et Ovide, nudaque consistunt formam servantia testae, vina. Nec austa meri, sed data frusta bibunt. Les gelées sont si âpres en l'embouchure des palus méotides, qu'en la même place où le lieutenant de Mithridate avait livré bataille aux ennemis à pied sec et les y avait défaits, l'été venu, il y gagna contre eux encore une bataille navale. Les Romains souffrirent grand désavantage au combat qu'ils eurent contre les Carthaginois près de Plaisance, de ce qu'ils allèrent à la charge, le sang figé et les membres contraints de froid. Là où Hannibal avait fait épandre du feu par tout son host pour réchauffer ses soldats et distribuer de l'huile par les bandes afin que, soignant, ils rendissent leurs nerfs plus souples et dégourdis et encroutassent les pores contre les coups de l'air et du vent gelé qui tirait l'or. La retraite des Grecs de Babylone en leur pays est fameuse des difficultés et mésaises qu'ils eurent à surmonter. Celle-ci en fut qu'accueillis aux montagnes d'Arménie, d'un horrible ravage de neige, ils en perdirent la connaissance du pays et des chemins, et étant assiégés tout court, furent un jour et une nuit sans boire et sans manger, la plupart de leurs bêtes mortes, d'entre eux plusieurs morts, plusieurs aveugles du coup du grésil et lueur de la neige, plusieurs estropiés par les extrémités, plusieurs roides, transis et immobiles de froid, ayant encore le sens entier. Alexandre vit une nation en laquelle on enterre les arbres fruitiers en hiver pour les défendre de la gelée, et nous en pouvons aussi voir. Sur le sujet de vêtir, le roi de la Mexique changeait 4 fois par jour d'accoutrement, jamais ne les réitérait, employant sa défaire à ses continuelles libéralités et récompenses. Comme aussi ni pot, ni plat, ni ustensiles de sa cuisine et de sa table ne lui étaient servis à 2 fois. Fin du chapitre 35.